je suis toujours bien, je ne me rappelle rien. J'ai oublié le temps, le présent et l'avant. Oublié ma jeunesse et les syndromes de ma vieillesse. Les quartiers des faubourgs qui ont bercé mon enfance s'effacent jour après jour comme mes joies et mes souffrances. À propos du temps qui passe, je vous confie, hélas, j'efface bien les traces. Je ne me souviens, je ne me souviens de rien, mais je me rappelle Stalingrad. Je me souviens de feu et des flammes, je me souviens du bruit des grenades. Je me rappelle Stalingrad. Je me souviens des hommes, des femmes. J'ai perdu la mémoire, peut-être qu'il est trop tard. Où je vais, d'où je viens, cela ne me dit rien. J'ai oublié de payer mes impôts majorés. J'ai oublié mes clés, me v'là bloqué sur le palier. Je me souviens plus de l'amour, celui qui devait durer toujours. Je n'ai plus à l'esprit le nom de tous ceux qui sont partis. À propos du temps qui passe, je vous confie, hélas, qu'il efface bien les traces. Je ne me souviens, je ne me souviens de rien, non, je ne me souviens, je ne me souviens de rien, mais je me rappelle Stalingrad. Je me souviens du feu des flammes, je me souviens du bruit des grenades. Je me rappelle Stalingrad. Je me souviens des hommes, des femmes.